Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Lucie Anison. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette sixième saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF, c'est une banque éthique coopérative, je pense que depuis le temps vous le savez, mais je le dis quand même. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels, c'est la banque des 2030 Glorieuses, s'il devait y en avoir une en 2030 Glorieuses, ce serait celle-là. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires, elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent, et en plus elle est transparente parce qu'elle est la seule banque française, j'ai bien dit la seule banque, à publier l'intégralité de ses financements. Moi, la NEF, je suis fier que ce soit le partenaire des 2030 Glorieuses. Elle me permet d'interviewer des personnes inspirantes qui participent à déployer les 2030 Glorieuses en avance. Et je vous souhaite de passer chez la NEF pour, à votre tour, être fier de votre banque. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, moi, je suis donc, je le disais, heureux d'inviter Lucie Anison, de te donner la parole. Lucie, toi, tu es directrice de Commedia. C'est une SIC, une société non lucrative qui appartient à ses sociétaires, dont l'objectif est d'agir collectivement pour construire un paysage médiatique pluraliste, dynamique et engagé, qui soit un espace d'information et de décryptage d'intérêts publics et démocratiques. La phrase est très longue, on va avoir l'occasion de la décortiquer, cette phrase, et d'y revenir en détail. Ensemble, nous parlerons du rôle des médias pour faire changer la société, d'infobésité, d'indépendance et d'esprit critique. Mais je commence l'épisode par la même question, la question un peu signature de ce podcast 2030 Glorieuse. Tu es dans un événement, des personnes ne te connaissent pas encore. Arrive la question fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds? En sachant qu'en plus, si je dis pas de bêtises, tu as plusieurs casquettes. Donc on va essayer de rester quand même un peu sur cette casquette de Coop Média. Mais peut-être que d'ailleurs, quand tu te présentes et quand tu réponds à cette question, tu parles pas de ton métier. Je te laisse me dire comment tu fais ta réponse en général. Je crois que je parle quand même assez vite de mon métier quand on me pose cette question. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Effectivement, j'ai plusieurs casquettes puisque aujourd'hui, j'ai deux métiers, j'ai deux travails plutôt d'ailleurs. Et peut-être le principal, celui qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est d'avoir cofondé et d'être aujourd'hui la directrice opérationnelle d'une coopérative de soutien aux médias indépendants. En général, si on me demande ça en soirée comme ça, je réponds ça, coopérative de soutien aux médias indépendants. Il y a déjà trop de mots compliqués. Déjà, coopérative, médias indépendants, c'est déjà trop compliqué. Ouais, c'est sûr. Les gens arrivent à suivre? C'est surtout le mot coopérative qui fait tiquer, enfin, qui est moins parlant. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, médias indépendants, ça parle à peu près, mais bon, après, encore une fois, en soirée, je suis en général avec des personnes plutôt comme moi et du coup qui voient à peu près ce que c'est. Ok, coopérative, donc effectivement, on imagine, même si le mouvement se déploie et est très présent dans l'économie française, on imagine les coopératives agricoles, donc là, c'est pas le cas, mais le mouvement coopératif a été présenté, décortiqué lui aussi à plusieurs reprises dans le podcast 2030 Glorieuse. Les médias indépendants, c'est un peu moins le cas. On a quand même dernièrement donné la parole à Paloma Moritz de Blast, qui fait partie du collectif. Mais si tu, avant de rentrer dans le détail des médias que vous accompagnez, etc. Est-ce que tu peux revenir un peu à l'origine, à ce qui a fait que toi, avec d'autres fondatrices et fondateurs, cofondatrices et cofondateurs, tu te sois dit, mais il faut absolument qu'on lance une coopérative de soutien. Raconte-moi comment ça vous est venu et oui, la pulsion derrière tout ça. Alors comment c'est venu? C'est venu déjà d'un collectif qui s'appelle le Collectif pour une transition citoyenne, dans lequel se côtoient une trentaine d'organisations qui ont en fait toutes en commun le fait de mettre le citoyen, les citoyennes au cœur de leur activité et organisation. Ça peut être des coopératives comme la NEF dont tu parlais tout à l'heure ou Enercoop. Il y a des associations, il y a des collectifs, il y a Alternatiba, Attac. Enfin bon, c'est une trentaine d'organisations, bref. Et au sein de ce collectif, ça fait 5 à 10 ans quand même que il y a une petite musique de on fait tous des trucs super, pour certains depuis très longtemps, mais on n'arrive pas à sortir du statut d'alternative, de niche, à briser le plafond de verre. Et on constate que on a beau porter des visions sociétales, démocratiques, solidaires, etc. Aujourd'hui, on voit au moment des élections que on n'y arrive pas, quoi. Un espèce de constat d'échec, quand même. Et du coup, il y a eu un peu cette réflexion de dire cet échec, comment est-ce qu'on pourrait y travailler? Et pour nous, il y avait deux manières. Il y avait une manière qui est d'aller sur le terrain de la politique directement, donc soutenir et travailler avec des mouvements municipalistes, des mouvements qui essayent d'aller remettre un petit peu le citoyen au cœur de la politique, entre guillemets, politicienne, enfin celle des élections, quoi, directement. Comment est-ce qu'on essaye de pousser des personnes à se présenter aux élections municipales? Comment est-ce qu'on pousse des personnes à aller s'investir auprès de leurs élus et des candidats pour porter des choses, etc. Bon, ça, c'est une partie. Et puis, l'autre partie, c'était de se dire, en fait, on n'arrivera pas à ne serait-ce que mener une petite bataille culturelle si on ne s'intéresse pas quelque part aux médias. Et évidemment, c'est posé la question de est-ce qu'il faut qu'on crée un média, etc. Et en fait, des médias, il en existe déjà plein. Il y en a plein qui font des choses super. En revanche, s'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est quand même un écosystème médiatique sain, équilibré et indépendant. Et du coup, on s'est dit, nous, on arrive un peu de l'économie sociale et solidaire. On arrive avec des structures qui se font financer par leurs sociétaires, la NEF en premier lieu, qui a levé 20 millions d'euros il y a un an ou deux maintenant chez ses sociétaires. Enercoop qui lève chaque année 3 à 4 millions d'euros chez ses sociétaires. Donc on s'est dit, on a quand même des forces. On a un réseau de personnes qui investissent financièrement et humainement nos coopératives. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire un pont entre ce monde de l'économie sociale et solidaire militant engagé et des médias indépendants qui aujourd'hui n'arrivent pas, ou en tout cas galèrent à peser. Ouais, ce que tu me dis, ça me fait penser à tous ces moments où je dis, mais tu vois, quand il y a les Bolloré & Co là, qui mènent une politique hyper agressive de contrôle des médias, je me dis toujours qu'il nous manque un millionnaire de gauche. En fait, vous avez décidé de ne pas l'attendre, ce millionnaire ou ce milliardaire de gauche, et de donner la possibilité aux citoyens de, ensemble, peser autant que ces quelques milliardaires, c'est ça? Bah, il y a quelques milliardaires de gauche, hein. Il y en a quelques-uns, mais voilà, on se disait, aujourd'hui, il y a plein de citoyens qui, pour qui l'indépendance des médias, etc., est une cause qui vaut le coup, mais il n'y a pas d'endroit où tu peux soutenir cette cause-là. Ou alors, il y en a très peu comparé. Nous, ce qu'on faisait, on faisait la comparaison, aux causes environnementales, aux causes l'alimentation, la biodiversité, tout ça, bien sûr. Il existe des milliards de, enfin pas des milliards, mais il existe énormément d'assos, d'ONG, et en fait, pour soutenir l'indépendance des médias, il n'y a quand même pas grand-chose, quoi. Donc voilà, nous on s'est dit, il faut qu'on permette aux citoyens et aux citoyennes d'avoir un endroit dans lequel ils peuvent soutenir cette cause si elle est importante pour eux. Et donc, moi, je dis souvent que c'est notre époque actuelle qui est décroissante sur ce sujet médiatique. J'ai l'impression que on est vraiment, on tombe juste, on est vraiment dans le bon moment de l'époque pour le dire, parce qu'on voit à quel point elle est décroissante de complexité, elle est décroissante de nuances, elle est décroissante d'informations neutres et justes et apaisées. On voit la montée des fake news, on voit la montée des réseaux sociaux, on voit le travail. Pas que de Trump, je parlais de Bolloré & Co. pour justement décrédibiliser le travail médiatique qui est hyper important. On sait que le journalisme, quand il est bien fait, est un vrai contre-pouvoir. Est-ce que vous, vous sentiez déjà à quel point il y allait avoir cette bataille de contrôle de l'information au moment où vous vous êtes positionné? Et si oui, plutôt que de se limiter à être contre cette infobésité, ces fake news, le mot infobésité a pas mal été mis en avant par Anne-Sophie Novel ces dernières années, donc je ne sais pas si ça vaut le coup de le redétailler, mais est-ce que vous vous êtes dit, en fait, nous, on a envie d'être pour, on voit une image plus grande, plus belle, et donc on a envie d'être pour, une information de qualité, un débat apaisé, une démocratie vivante? Comment tu qualifierais la croissance à laquelle vous contribuez? Alors, au tout départ, c'était pas tant... c'était donc il y a peut-être un peu moins de 10 ans. Au tout départ, c'était pas tant en lien avec ces enjeux d'indépendance, etc. Enfin, je pense qu'on le formulait peut-être pas pareil, parce que c'était moins évident que là, ces dernières années. Au départ, c'était... Ouais, tu le disais, c'était plutôt du poids médiatique, hein, c'est ça? Ouais, en fait, au tout départ, l'anecdote, c'est que il y avait Cyril Dion qui voulait faire son film demain. Et il y avait eu ce fantasme au sein du collectif pour une transition citoyenne là, de dire comment on pourrait monter un truc qui permettrait que ce soit financé par des citoyens. Bon, au final, ça n'a pas marché, c'était trop court. Enfin bon, bref, ça n'a pas pris à l'époque. Mais c'était de se dire comment est-ce qu'on crée une force financière pour financer des projets qui nous ressemblent et dans lesquels on croit et qui portent nos valeurs, en fait. C'était ça un peu le... Au tout départ, c'était cette ambition-là. Et bon, au fur et à mesure du temps, il y a eu en plus l'urgence, effectivement, de l'indépendance, etc. Mais moi, j'ai l'impression que ce qu'on a vraiment envie de porter, nous, c'est... Enfin, en tout cas, moi, alors, je vais plus parler pour moi que pour Cop Média, mais moi, pour moi, le vrai enjeu de Cop Média, c'est de permettre aux médias indépendants d'être... d'être plus serein dans ce qu'ils savent faire. Donc c'est leur permettre de développer des modèles économiques qui sont plus vertueux, d'avoir des pouvoirs publics qui sont plus à l'écoute de leur réalité, d'avoir des citoyens qui sont plus en confiance avec eux et sont plus informés de tout ce qu'ils proposent. Donc je dirais la croissance qu'on aimerait, c'est vraiment des médias indépendants, des médias plus en capacité de porter une information saine et bien construite, quoi, pour une démocratie derrière plus saine, un débat public plus sain et plus apaisé. Oui, parce que là, on parle des médias, mais en fait, les médias, l'information qu'il y a derrière, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est d'offrir cette information comme des briques de Lego pour construire, moi qui faisais beaucoup de Lego quand j'étais gamin, le plus beau vaisseau, le plus beau château, le plus coloré, le plus complexe, le plus nuancé, et pas avoir que des briques de la même couleur, de la même taille, qui te limite en fait dans la création de cette société qui doit être collective, doit être nuancée, doit être à l'image des personnes qui la composent et pas tendre vers une seule manière d'être, une seule manière de se lier au monde. Et c'est ça qu'elle fait, l'information. Elle élève, elle relie, elle libère. Et là, on voit qu'elle est utilisée vraiment à l'inverse. Là, l'information, elle est là pour diviser, pour rapetisser, pour abêtir, en fait. Hein. Ouais, ouais. Non, effectivement, on n'est pas une coopérative par et pour les médias dont la fin est, entre guillemets, de nourrir les médias. L'ambition, c'est qu'en faisant ça, en fait, on permet de développer un rapport aux autres qui soit plus apaisé, je pense. Ouais, bien sûr. Et c'est ça où moi je trouve que votre travail est hyper pertinent. Je me permets de vous féliciter là d'emblée pour ça et de montrer à quel point je suis pas du tout partiel sur ces questions médiatiques. Mais en fait, vous faites le travail que tous les médias indépendants, enfin presque aucun média ne peut se permettre de faire parce que vous êtes là pour créer du lien, vous êtes là pour visibiliser, vous êtes là pour collecter des fonds. Là où, bah, en fait, de ces médias indépendants, et donc si on devait en citer quelques-uns, ça serait, on l'a déjà cité, Blast, ça serait Le Média, ça serait, il y en a plein. Est-ce qu'il y a Vers le Média, j'imagine? Est-ce que tu peux m'aider à en citer quelques-uns en plus, s'il te plaît? Ouais, mais je peux peut-être citer ceux dont on parle moins aussi, hein, Ouais, bien sûr. les médias locaux comme Médiacité, qui est à Lille, Nantes, Toulouse. Il y a Mediacop, un petit média à Clermont-Ferrand. Il y a les rues 89 Strasbourg, rue 89 Lyon. Il y a L'Âge de Fer, qui est un journal papier, qui est une coopérative. Il y a Basta, il y a Tank, une plateforme de documentaires, il y a Reporter. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y a Politis, il y a Alternative Économique, il y a du en ligne, il y a du papier, il y a du gratuit, il y a du payant, il y a du don, il y a de l'abonnement. Enfin, il y a Street Press, il y a de tout. Et c'est ça qui est super riche. Nous, on n'est pas là pour être sur des médias qui se ressemblent, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de promouvoir un paysage médiatique qui soit riche et qui soit pluriel et qui présente une information de qualité pour que tout le monde, ensuite, la société, puisse s'en saisir et discuter mieux ensemble. Mais voilà, pour nous, c'est hyper important de cultiver cette diversité. Et donc là où chacun de ces médias d'habitude sont un peu dans leur couloir, avec toutes les difficultés qu'on imagine, bah, rien que dans leur travail en soi, mais en plus avec toutes les attaques, les poursuites judiciaires, les débunkages, enfin, c'est quand même un travail très très intense, pour le dire gentiment. Vous êtes là pour créer du lien, pour organiser des rencontres, pour trouver des fonds, pour mener des projets coopératifs. Raconte-moi un peu ça, raconte-moi un peu tout ce qui n'est pas habituel pour ce genre de médias et quelle est vraiment votre plus-value? En fait, nous, c'est un peu, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Nous, on est là pour leur permettre de faire leur travail. Alors, effectivement, hein, ils passent un temps infini à faire du débunkage, à lutter contre des procédures bâillons, etc. Donc, nous, notre plus-value, en tout cas, ce qu'on essaye d'amener, c'est de leur permettre de se concentrer sur leur travail journalistique. Et donc, pour ça, on essaye de trouver ce qui leur manque pour réaliser ce travail journalistique de manière de manière plus intense, en fait. Donc, effectivement, trouver des financements pour eux, organiser de la mutualisation et de l'échange de pratiques, à la fois entre eux, mais aussi avec des structures de l'économie sociale et solidaire, parce qu'aujourd'hui, en fait, la problématique des médias indépendants, elle se retrouve énormément dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Enfin, on voit Greenpeace, là, aux États-Unis, qui fait l'objet d'une procédure bâillon à 400 millions d'euros. Bah, en fait, C'est fou. les coopératives, les associations, même en France, sont aussi visées par des procédures bâillons, sont aussi mal entendues par les pouvoirs publics. Donc, il y a aussi plein de. sont aussi pas très bien vues par les banques lorsqu'il faut financer des projets. Enfin, en vrai, il y a beaucoup de problématiques communes. Donc, nous, on a vraiment envie de travailler sur de la mutualisation et de l'échange entre ces deux mondes. Et on a aussi envie d'offrir des outils, et ça va un peu dans la mutualisation, mais par exemple là, on travaille sur une régie publicitaire qui permettrait de simplifier les choses pour les médias et de les mettre en lien avec des structures de l'économie sociale et solidaire qui leur ressemblent et dans lesquelles, et qui seraient elles aussi hyper intéressées de travailler avec des médias indépendants pour faire passer leurs annonces. Enfin bon, ça c'est un détail, mais voilà, nous notre idée c'est d'essayer de mutualiser des choses. Pour les professionnaliser et leur permettre de faire des économies d'échelle, pour leur permettre de passer moins de temps sur des fonctions support notamment, et donc les financer pour que ils puissent passer plus de temps et avoir plus de qualité dans leur traitement de l'information, quoi. Cop Media, c'est un projet qui est assez nouveau. Est-ce que vous pouvez Mettre en avant déjà certaines fiertés, certaines choses qui existent vraiment grâce à vous et me dire un peu où vous en êtes parce que ben, y a l'idée d'avoir des partenaires, l'idée d'avoir des sociétaires, il y a quand même un nombre, une masse qui compte. Est-ce que tu peux me raconter un peu ça? Et de quoi on est fiers? Déjà, on est quand même fiers d'avoir pu créer ce projet. C'était déjà pas une mince affaire. On est fiers d'avoir organisé, je pense, une soirée de lancement. Bon, évidemment, les gens n'allaient pas nous dire que c'était nul, mais dont beaucoup de gens nous ont dit que vraiment, ça illustrait très bien le projet avec une soirée qui a réuni vraiment tous les médias indépendants qui se reconnaissaient dans le projet et toutes les structures de l'économie sociale et solidaire qu'on était allé chercher pour leur dire que c'était important qu'ils soient là. Et en fait, c'est des milieux qui se parlent peu, donc ça, on était hyper fiers d'incarner cette volonté de mise en dialogue. Et puis, on est hyper fiers parce que quand même, on a fait un premier gros temps de levée de fonds sur la fin d'année 2024. Et là, on réunit déjà plus de 2000 personnes. On a réuni quasiment 700 000 euros. Alors évidemment, hein, c'est un début, c'est une première, alors peut-être pas goutte d'eau, mais un premier verre d'eau. Mais c'est quand même une belle réussite et 2000 personnes qui nous ont fait assez confiance pour placer un peu de leur argent, de leur épargne chez nous. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Ouais, c'est un verre d'eau, c'est en fait c'est un même, ça montre un vrai engouement et je trouve ça chouette de se dire que quand on lance un projet fou comme ça, surtout dans une époque où on voit à quel point le modèle économique médiatique est jamais évident à trouver et que on a un peu l'impression que c'est la jungle, bah en fait ça marche et qu'il y a cet engouement et comme tu le disais, ça paraît fou de se dire que le lien entre les médias indépendants engagés et les acteurs du changement est en général assez rare, là où le lien entre les grands acteurs économiques de l'ancien monde et ceux et celles qui tiennent les médias aussi, bah, qui font que tout ralentit. Là, en l'occurrence, ces liens sont très très évidents. Donc, je pense que c'est chouette aussi de copier ça, de s'en inspirer pour le meilleur pour cette fois. Donc, il y a un côté un peu stratégique, j'ai l'impression aussi, dans ce que vous voulez affirmer. Oui, je pense qu'on a. Enfin, en tout cas, moi, j'assume de dire que en face, il n'y a pas les mêmes pudeurs, il n'y a pas les mêmes réserves sur le fait de s'allier et que évidemment, hein, on veut pas faire pareil qu'eux. Et l'idée, c'est justement hein, de proposer une manière différente de faire. Qui soit basé sur la coopération, sur la lucrativité limitée, etc. Mais par contre, assumons en fait de s'allier, parce que sinon, je vais citer cette phrase, ce poncif, tout seul on va plus vite, mais en fait ensemble on va beaucoup plus loin. Et je pense que si on s'allie pas, on va jamais y arriver là. Et bien justement, on va parler, ça y est, d'une décennie à venir où on se serait alliés et ça aurait commencé à porter ses fruits. On va partir ensemble en 2030 glorieuse, Lucie. Avant ça, il y a toujours une lecture qui tombe bien en plus là dans cet exercice de l'information. Moi, je demande aux invités de trouver dans leurs étagères, dans leur bibliothèque, une fenêtre vers des valeurs qui leur sont chères et qui porte en elle les fibres, voilà, les ferments d'une utopie à défendre, à déployer. Qu'est-ce que tu vas nous lire, toi, Lucie? Alors, moi j'ai choisi la facilité, hein. J'ai choisi le bouquin que je viens de finir, mais qui m'a beaucoup plu et qui fait beaucoup écho, je pense, à ce dont on voulait se raconter, ce dont on voulait se parler aujourd'hui, qui est un livre de Nina Facio qui s'appelle Malentendu, publié chez Payot. Malentendu, les Français, les médias et la démocratie. C'est un exercice d'équilibriste permanent que de maintenir cette volonté de comprendre sans pour autant prendre parti. Nul besoin d'être journaliste pour constater d'ailleurs que nous sommes souvent confrontés à de grandes difficultés pour nous comprendre les uns les autres. et ce pour une raison évidente. Nous ne nous écoutons pas, tout occupés que nous sommes à nous positionner. Écouter dans le but de s'imprégner de l'autre est un talent rare, et que l'on n'a pas l'occasion d'acquérir, quel que soit notre cursus scolaire et l'éducation que nous avons reçue. Les récits qui sont faits de nous, à l'échelle tant individuelle que collective, et a fortiori ceux des médias, façonnent le monde dans lequel nous vivons. Or, ce dernier apparaît toujours plus polarisé, puisque tout un chacun prend position et s'exprime en permanence sur tel ou tel sujet, mais personne ne s'écoute. En résulte un immense malentendu entre les citoyens, les médias et la démocratie. Pourtant, lorsque l'être humain fait un pas vers l'autre pour le comprendre, et que lui-même se sent entendu et compris, il est davantage enclin à hésiter, remettre en question, tolérer, coopérer, partager. Pas changer d'avis, non, mais s'adapter, s'accommoder d'une réalité éminemment complexe. Aujourd'hui, plus que jamais, avec les bouleversements climatiques en cours, l'être humain va devoir s'adapter. Il va falloir questionner nos croyances, nos systèmes, notre vision du monde, nos présomptions sur ce que pense l'autre. Plus que jamais, nous devons pallier la confrontation, décloisonner nos mentalités, nous entendre les uns les autres. Et plus que jamais, le journalisme a un rôle à jouer dans ce processus. C'est chouette, Lucie, merci pour ta lecture. Tu nous fais le lien parfait vers les 2030 Glorieuses. Les 2030 Glorieuses, je les ai décrétées dans ma tête il y a quelques années. Maintenant, elles sont largement déployées, notamment à travers un atelier. Il y a des centaines de personnes aujourd'hui qui sont formées pour animer un voyage en 2030 Glorieuses et qui font voyager les gens pour leur permettre de libérer les imaginaires et de se dire qu'on a besoin d'imaginer un monde qui va mieux pour le faire advenir. Et là, malheureusement, on joue avec la prophétie autoréalisatrice contre nous parce qu'en général, quand on se projette dans l'avenir, si on y arrive, tellement c'est dur, on imagine qu'on va perdre, on va lutter, en fait ça va être forcément beaucoup plus difficile. Et donc c'est malheureusement le caractère performatif de l'utopie, ou là en l'occurrence de la prophétie autoréalisatrice et donc de la dystopie contre nous. Et donc on va faire cet exercice de faire exister ces bulles enthousiasmantes, plus joyeuses, même si elles seront encore complexes, encore nuancées, et qu'il y a du chaos dans tout ce qu'on peut raconter, Lucie, pour se dire, et si on y arrivait, à quoi ça ressemblerait ? Donc on va partir du principe que ça y est, on est en 2030 glorieuse, que le journalisme apaisé, comme tu le disais dans ta lecture, c'est largement déployé, que c'est même devenu la norme, et on va raconter ensemble à quoi ça ressemble. On va donc en parler au présent, pas de conditionnel entre nous, Lucie, si tu veux bien. Et si on parle du futur, on sera en 2040, 2050 glorieuse. Tu peux décider, toi, d'être en 2032, 2038, ça dépend de là où tu veux être, si tu as besoin de temps ou pas entre les ruptures que tu as envie de raconter et le présent dans lequel on était à l'époque en 2025. Tu peux le partager aux personnes qui nous écoutent ou pas. Et voilà, allons-y. On est donc, ça y est, tu l'as peut-être senti, dans cette période, on est à la hauteur des enjeux. Tout n'est pas résolu, mais on sent que l'humanité s'est enfin mise dans le bon sens, qu'on est passé à l'âge adulte. On est responsable et en même temps très humble parce qu'on sait qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Toi, Lucie, je ne sais pas où tu es là actuellement et qu'est-ce que tu peux voir par la fenêtre ? Est-ce que tu peux commencer peut-être par me raconter ça, s'il te plaît, depuis tes 2030 glorieuses à toi ? Et ben moi, je crois que je suis en 2032 peut-être, je suis chez moi par la fenêtre et je regarde paisiblement l'extérieur avec probablement mon enfant qui à ce moment-là aura à ce moment-là a 8 ans du coup qui fait peut-être ses devoirs et moi qui me sens apaisée par rapport à son avenir. Ça y est, tu as utilisé tous les peut-être et tous les je crois que tu pouvais utiliser dans notre conversation à venir, Lucie. Donc fais bien attention à ça. Donc tu sens qu'effectivement, on a une relation aux générations qui viennent un peu plus apaisée parce que c'est vrai que parfois on se sentait fautif, on se sentait angoissé en se disant mais ouais, quel avenir en fait les attend et qu'est-ce qu'on a fait que de les mettre au monde. Je partage tout à fait ça puisque je suis papa de deux gars qui commencent à être grands maintenant. Tu dis qu'on est un peu plus apaisé parce que la situation elle est un peu plus apaisée, parce que la relation entre les gens elle est aussi plus apaisée, et que même s'il y a plein de boucles qui sont enclenchées, des choses qui sont irréversibles, on sent que le fait d'avoir une humanité apaisée, plus sereine, plus liée, c'était le premier pas nécessaire pour embrasser la situation et se mettre à sa hauteur. Hein. Oui, et puis je trouve qu'on est dans un moment de société où on s'écoute, où on peut écouter les infos, on peut aller sur les réseaux sociaux sans avoir peur de tomber sur des images, des échanges, des violences. Voilà, on peut se renseigner sur ce qui se passe autour de soi sans peur. Ouais, c'est vrai que avant, la violence était beaucoup associée à l'information. C'était un peu la roulette russe, et notamment parce qu'on s'informait à l'époque presque majoritairement sur les réseaux sociaux. On passait en un post, en une story à une autre, d'une image hyper dure de personnes qu'on voyait décédées à cause de conflits armés à un chat qui fait une pirouette et qui tombe et tout d'un coup qui nous fait sourire. Et notre cerveau, il avait du mal à gérer tout ça et il savait plus sur quoi s'accrocher. Aujourd'hui, raconte-moi un peu comment on a reconstruit une relation informationnelle plus sereine. Où est-ce qu'on consomme, où est-ce qu'on recherche, où est-ce qu'on consulte, même plutôt, je suis plus à l'aise avec ce mot, l'information, et comment on l'a remis à sa juste place, cette information. Est-ce que tu peux me raconter ça, s'il te plaît? Ben moi, je trouve super aujourd'hui qu'on ait réussi à réinstaller quelque chose qui a apparemment existé à un moment dans l'ancien temps, mais qui avait disparu. Qui est qu'on a des journaux qui sont déposés au pied de notre porte le matin. C'est incroyable que ça ait disparu à un moment, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est une manière de m'informer au quotidien et pour mes semblables aussi. Et on voit les journaux qui sont sur les pas de porte des voisins et c'est pas les mêmes journaux et c'est pas grave et on s'en parle. On sait aussi que quasiment partout en France, une fois par semaine, il existe un lieu où on peut aller échanger sur ces journaux qu'on a reçus pendant la semaine. Ouais, les grandes controverses, hein, ça a lieu plus régulièrement maintenant. Oui, et puis de pouvoir éventuellement poser des questions sur des choses que on n'a pas compris ou qui sont restées un peu floues pour nous. Donc ça permet de décortiquer un sujet ou deux qu'on a envie de voir. D'aller un peu plus loin dessus. Et puis, on a quand même des réseaux sociaux hein, qui nous permettent de suivre ça, mais voilà, en quantité limitée. Et puis, sur des formats où on n'a pas forcément. On peut choisir ce qu'on voit. On a des suggestions sur des choses nouvelles qu'on ne connaît pas. Mais voilà, on sait qu'on peut. Les consulter sans danger. Notre nouvelle présidente, là, très engagée pour ces 2030 glorieuses, justement, mettait sur la table démocratique la possibilité de retirer l'actualité des réseaux sociaux, de créer une frontière pour que les réseaux sociaux, ça soit les liens entre les gens et puis que l'information, ça retourne à sa juste place d'information et qu'on ne mélange pas tout, qu'on ne mélange pas la tribune, l'opinion, le débat profond avec des analyses et la nouvelle de son frère ou sa sœur et du voyage d'un tel et des choses plus peut-être un peu futiles qui sont très importantes, je ne dis pas le contraire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de retirer l'actualité des réseaux sociaux ? Je suis pas sûre d'être d'accord avec, pour le coup, cette proposition-là. Déjà, aujourd'hui, quand même, beaucoup moins qu'avant, les gens postent leur vie privée sur les réseaux sociaux. On a la chance que ce soit quand même revenu là-dessus à des pratiques beaucoup plus privées pour parler de privé et les réseaux sociaux, quand même, sont de plus en plus. On partage quoi alors? On partage ses passions, on partage ses découvertes, c'est ça? On partage des livres qu'on a aimés, on partage des films qu'on est allé voir, on partage des endroits en France qu'on a trouvé chouettes. Heureusement, il n'y a quasiment plus d'avions dans le ciel, mais voilà. Mais par contre, il y a moins qu'avant, il me semble me rappeler que, il y avait des choses complètement absurdes sur les réseaux sociaux. On en trouve moins aujourd'hui. Et je trouve que les réseaux sociaux, bah, en fait, l'information, c'est aussi faire société, c'est aussi partager des articles qui nous ont plu. Et donc, pour moi, c'est plutôt OK, cette porosité entre ce qui se trouve sur mon téléphone connecté, qui n'est pas intelligent, mais connecté. Donc, je pense que c'est quand même un enjeu d'accessibilité, pour que, bah, j'ai dit, quasiment partout en France, on peut avoir ces soirées d'échange, mais il reste des coins en France où on n'a pas accès à ça. Il y a peut-être des personnes qui sont moins sensibles au papier et qui sont plus sensibles au numérique, donc On en a pour tous les goûts. Bah, de toute façon, le débat là je est pense lancé. que Ça va nous occuper une bonne partie des prochains mois. Moi, j'ai besoin que tu me racontes quels ont été, si jamais tu devais en nommer que deux ou trois, peut-être, des éléments de rupture, des points de bascule qui ont fait qu'on laisse derrière nous cette ère de l'infobésité, de la fake news, et qu'on passe à celle de l'information libre et éclairée. Comment ça s'est fait? Alors, bien sûr, c'est un mouvement profond. Tout n'est pas encore réglé, mais il y a eu quand même deux, trois points de bascule, non? Je dirais que, y a eu un point de bascule il y a quelques années quand il y a eu je dirais pas un débat, mais un temps collectif de prise en compte de la situation de l'écosystème médiatique en France. Heureusement, on n'a pas fait de grand débat national là-dessus parce que voilà. Mais on a réussi, avec la société civile, à organiser des temps de réflexion partout en France sur pourquoi est-ce que le système actuel médiatique pose question, et ça aboutit à une loi anti-concentration des médias qui a donné aujourd'hui, je pense, un paysage médiatique beaucoup plus divers et sain. Donc ça, c'est peut-être le premier temps. Et puis le deuxième temps, c'est quand même la chute libre de Donald Trump et Elon Musk aux États-Unis, où il y a eu une prise de conscience collective qu'en fait, ils ont eu, enfin, Donald Trump a fait l'objet d'un impeachment, et ils ont eu, et en fait, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience du fait qu'il fallait arrêter de faire n'importe quoi avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, et la façon dont on traite son prochain. Ouais, et puis là où bah, à l'époque plein de Français s'inspiraient un peu de ce qu'était en train de créer Donald Trump en pensant qu'ils allaient réussir à le faire advenir en France, ben finalement ils se sont rendus compte que cette stratégie elle payait pas, qu'elle menait à leur perte, donc ils se sont un peu retrouvés avec l'herbe coupée sous leurs pieds, bien paralysés. Donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Et puis tu parles d'impeachment, effectivement on est passé avec cette solution plutôt législative, mais en réalité le boycott économique a aussi beaucoup joué. Donc si ça n'avait pas été la loi, ça aurait été les cordons de la bourse qui les auraient un peu étranglés, ces deux gugus de l'époque, parce que on s'est rendu compte à quel point le boycott était puissant. Et son pendant positif, le soutien, la valorisation était aussi hyper puissant. Je me rappelle ces moments où on s'est rendu compte que, bon, bah, en fait, si c'était gratuit, c'était nous le produit, et qu'on a redécidé non pas de dépenser, mais bien d'investir dans des choses qui nous semblaient en fait vitales, et notamment la presse libre, la presse indépendante. Et donc, on s'est tous un peu posé la question de et si j'avais 5, 10, 15, 20 balles tous les mois à mettre dans de la presse qui me permettent de continuer à m'éclairer, m'éduquer, me faire grandir, confronter mes idées, afficher aussi un peu mes limites, mes biais, mes angles morts, bah dans quoi je les investirais? Comme si on reconnaissait enfin à la presse sa capacité d'éduquer et sans forcément repasser par les bancs de la fac. Et donc aujourd'hui, on a tous un virement ou deux mensuels à des médias qu'on a envie de soutenir, ou même à Coop Média qui fait ce travail de dispatcher ensuite les fonds qu'il collecte à la presse libre. On est d'accord, hein? Oui, et puis il y a effectivement ces deux, trois abonnements par personne un investissement régulier dans Coop Média. Mais il y a aussi la même chose à l'échelle de l'État, c'est-à-dire que l'État a largement revu son système d'aide à la presse, qui est aujourd'hui beaucoup plus égalitaire et qui permet beaucoup plus aux médias indépendants d'avoir un modèle économique stable et sain. qu'avant, où la plupart de l'argent, en fait, avant, allait directement aux grands groupes déjà détenus par des milliardaires. Ouais, moi, il y a Rob Hopkins, il y a quelques années en arrière, qui disait que lui, il croyait que le monde allait dans le bon sens, que la transition était enclenchée parce qu'il voyait de plus en plus de micro-brasseries s'ouvrir ça et là. Moi, j'aurais tendance à me dire qu'au contraire, aujourd'hui, ce qui m'enchante, c'est de voir de la micro-édition, du journalisme de territoire émerger ça et là. Et donc, tu le disais, on a encore des grands journaux nationaux, internationaux, on a des mensuels, on a des médias puissants du temps long de l'enquête, ça c'est sûr, mais on reconnaît beaucoup plus l'importance aux médias du cru, du territoire, et qui se limitent plus que aux faits divers du quotidien. Oui, bah, y avait déjà un peu un mouvement hein, avant de médias indépendants locaux très très attachés à l'enquête parce que en fait on se rendait bien compte que pour enquêter vraiment sur le fond des choses sur les territoires, y avait pas grand-chose et du coup il y avait déjà un mouvement de médias locaux engagés indépendants, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que sur les 36 000 communes, il y a 36 000 canards qui font un super boulot d'investigation et d'éducation populaire dans les communes de France, qui permettent aussi à tout un chacun aujourd'hui. Je pense que je ne connais personne qui ne connaisse pas forcément personnellement, mais qui n'ait jamais serré la main ou posé une question à un journaliste. Oui, d'ailleurs, le fait d'être journaliste a été largement revalorisé. S'il y a une dizaine d'années en arrière, les journalistes en venaient parfois à se planquer. Je me rappelle que certaines rédactions même enlevaient les plaques des immeubles dans lesquels elles avaient mis leur bureau de peur d'être menacées. On se rappelle de tout le mouvement qui avait eu lieu, notamment pendant la période des Gilets jaunes, contre les journalistes. Aujourd'hui, être journaliste, c'est à nouveau une fierté. Est-ce que vous, Cop Média, vous avez fait ce travail de redorer le blason du journalisme? Est-ce que c'est passé notamment par une meilleure éducation, un meilleur apprentissage du métier de journaliste directement dans les écoles? Quelles ont été les étapes pour enfin permettre cette bascule? Déjà pour moi, effectivement, tout à l'heure on parlait de deux grands moments, mais on peut peut-être en rajouter un. Mais les écoles de journalisme ont profondément changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on suit des cursus de journalisme avec un peu de formation technique. Mais ensuite, les journalistes aujourd'hui sont beaucoup plus des sociologues, des historiens, ils viennent de backgrounds très différents. Il n'y a plus une seule formation uniformisante sur le journalisme. Ouais, avec le même moule où finalement le journaliste, il parle comme ça et il va toujours faire le même reportage. Voilà. Il y a des cursus où on apprend la partie technique, hein, l'écriture, l'enregistrement, l'audio, la radio, la télé, etc. Mais à côté de ça, il y a des formations universitaires sur des sujets divers et variés, de culture générale, etc. Et puis a été rajouté quelque chose qui, à mon avis, hein, n'existait pas dans les années 2020, en tout cas, qui est la question de la formation à l'écoute. Comment est-ce que plutôt que de pousser les gens à dire ce qu'on a envie d'entendre et à démontrer ce qu'on a envie de démontrer, en fait, on donne aujourd'hui beaucoup plus la possibilité dans les médias aux journalistes de écouter ce que la personne elle a à dire et d'essayer de retranscrire ce que la personne amène sans essayer de la pousser dans une certaine binarité pour ou contre quelque chose. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, je pense, dans les écoles de journalisme et dans les médias de s'autoriser à ce temps long d'enquête et d'écoute des autres. Ouais, c'est fou parce que les journalistes ont montré l'exemple à ce niveau-là, ils ont permis aux citoyennes et aux citoyens de sortir de ce piège de la conversation dans laquelle on a déjà l'idée de la fin, on a déjà l'idée de la situation qui nous arrangerait bien. Et donc on a déjà joué la conversation, on a déjà nos arguments et finalement l'autre pourrait dire n'importe quoi qu'on sera quoi qu'il arrive pas prêt à l'entendre. Et parce que les journalistes aujourd'hui sont prêts à entendre, sont prêts à accompagner la conversation sans avoir forcément une idée très attendue de là où ils vont. Et je me rappelle ces moments terribles où on avait les journalistes qui répétaient 7-8 fois la même question ou presque parce qu'ils voulaient absolument savoir si telle personne allait être candidate ou candidat aux prochaines élections ou des choses tellement futiles, tellement inutiles. Ben, dans nos conversations, quand on parle à quelqu'un qui a une penser un point de vue différent d'une autre, on ne parle pas avec l'a priori, avec l'idée qu'on va le faire changer d'avis et qu'on va gagner dans notre argumentation. On se pose la question de bah, ce qu'il a à dire vraiment, d'où il vient, pourquoi il pense ça, qu'est-ce qu'il a comme historique de pensée derrière cette idéologie et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent aussi nous enrichir et donc cet enrichissement mutuel, il part de ce point de vue, il part de cette capacité à s'écouter en fait. Oui, complètement. Bon, désolé, c'était une question assez fermée, mais j'avais besoin de le dire. C'était pas une question, et je pense que t'as tout dit, hein. Ouais, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de partager tout ce que tu nous partages et d'en faire une piste d'amélioration à très très court terme, hein, parce que si on revient bientôt en 2025, on s'imagine tout à fait, même nous dans nos quotidiens, mais je fais un petit saut temporel très rapide, bah, se remettre dans cette posture d'écoute plutôt que dans l'argumentation qui en fait isole et puis oppose. Pardon. Dernière question quand même, si jamais toi tu es toujours en 2030 glorieuse, Lucie, j'ai besoin de savoir ce que toi tu fais en 2030 glorieuse. C'est peut-être la question la plus difficile. Raconte-nous un peu maintenant à quoi tu t'attaques et qu'est-ce que tu as envie de mener pour les années à venir jusqu'au 2040 glorieuse. Question difficile. Je crois que je ne saurais pas te répondre. Pour l'instant, je suis dans l'instant présent. Cop Média est maintenant sur un rythme de croisière confortable. J'ai appris, là aujourd'hui, je me sens bien avec ma parentalité. J'ai un peu plus de 40 ans et je crois que je suis prête pour une vie... de pas forcément m'attaquer à quelque chose, justement, en fait, de profiter de là où je suis. Parce que Cop Média, en fait, a fait un travail tellement essentiel que j'imagine les sollicitations d'autres pays qui ont envie d'avoir leur Cop Média. J'imagine aussi d'autres secteurs. Je pensais notamment au secteur du film, des séries, du cinéma, qui peut-être aussi, lui, envie bah, de pouvoir lutter contre cette concentration qui, à un moment, lui mettait du plomb dans l'aile. Tu as peut-être été sollicité, toi, par d'autres secteurs, d'autres pays qui avaient envie d'être accompagnés, qui avaient envie d'avoir un peu la méthode. Tu t'es pas senti l'âme de la transmetteuse ? Déjà, il y a quelques années, on a été suivi par un COP édition, hein, puisque le monde de l'édition s'est un peu réveillé aussi, et on les a beaucoup accompagnés, incubés, et aujourd'hui c'est une coopérative qui est encore en déploiement, mais qui fonctionne et qui a déjà fait ses preuves. Effectivement, on est sollicité régulièrement et on est toujours ravis d'apporter de l'aide, de donner des conseils, etc. Oui, dans les pays européens, on travaille un peu avec eux. Après, comme il y a quand même, aller dans des pays un peu loin, ça prend toujours du temps en train, etc. Je pense qu'on se déplace peut-être aussi moins qu'avant, mais on file des coups de main, si. Mais moi, aujourd'hui, je pense que j'en suis à un stade où je suis aussi contente de pouvoir me reposer sur un rythme moins effréné et moins dicté par l'urgence. Ouais, ça me semble être une très bonne idée. Lucie, on va revenir en 2025, à une époque où la sérénité n'était pas du tout le mot qu'on pouvait associer au paysage médiatique. Et à la fois, bah, moi, tout ce dont on vient de parler, ça me donne très, très, très, très envie. Donc, je la pose pour moi-même, la question. Qu'est-ce qu'on fait, là, pour continuer ? On termine notre échange et on veut le voir advenir, ce paysage qu'on a brossé ensemble, ces 2030 glorieuses qu'on a fait émerger le temps d'une conversation. Par quoi on continue ? On finance les médias indépendants, C'est-à-dire on arrête d'acheter les médias non indépendants et on essaye de se créer un paradigme dans lequel en fait c'est pas les alertes de tel ou tel gros média qui rythme notre suivi de l'actu, mais les alertes de Mediapart, de Blast, de Pioche, de voilà, on essaye de se pousser à sortir de l'infobésité des gros médias. Peut-être. Moi, je commençais déjà à soutenir certains des médias, mais j'arrivais plus à choisir. Donc, est-ce que le plus simple, ce serait pas de carrément devenir sociétaire de 4 médias? Alors, effectivement, deuxième étape. Devenir sociétaire de Cop Media. Et pour revenir à nos 2030, si vous investissez aujourd'hui dans Cop Media, en 2030, vous récupérez vos petits, puisque on fait de. Donc, investir dans Cop Media, c'est prendre des parts sociales, hein, c'est pas du don. Et ça veut dire que quand vous prenez une part sociale, vous la laissez pendant 5 ans chez nous, ce qui nous permet de, bah, de travailler avec. Et puis, dans 5 ans, vous la récupérez. Donc, c'est tout bénef, quoi. 2030, vous récupérez vos 100, 200, 2000 euros que vous aurez placés en 2025. Donc, go. Et peut-être le troisième truc, c'est de tous et toutes collectivement se poser la question de l'écoute. Je pense que vraiment, comment est-ce qu'on écoute les gens autour de soi et vraiment comment on les écoute? Comment on essaye de comprendre ce qu'ils amènent. Eh ben c'est un très beau programme et trois actions qui me semblent tout à fait réalisables et sans attendre. Merci mille fois, Lucie. Mais de rien, merci à toi de m'avoir invité à ce voyage. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.